Rencontre avec Marc Kayak, c'est comme ça qu'on le nomme, dans la région de Namur qui ramasse les déchets. Rencontre avec ce bonhomme, tranquille. Mais avant, scandale du plastique français qui est exporté en Malaisie. Mais je rassure tout le monde, c'est pas que les Français, évidemment. Quand je mettais mes déchets plastiques dans la poubelle jaune, je pensais naïvement qu'ils étaient tous envoyés dans des usines en France pour être recyclés. Alors quand j'ai découvert ce qui va suivre, j'ai un peu halluciné. Ces images ont été tournées il y a quelques jours en Malaisie, à plus de 10 000 km de Paris. On y découvre d'immenses décharges sauvages, en bord de route, dans une zone urbaine, mais aussi dans le lit d'une rivière. Cette pollution est catastrophique pour l'environnement. Mais le pire, c'est quand on regarde de plus près d'où proviennent ces déchets. Non, vous ne rêvez pas, ces emballages retrouvés dans la nature, à l'autre bout du monde, viennent de notre pays. Bouteilles de lait, paquets de fromage, produits de beauté, tous ces déchets ont probablement été mis à la poubelle par certains d'entre vous, pensant bien faire, mais ils ont fini leur course très loin de chez nous. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que certaines entreprises françaises, chargées de recycler nos déchets, préfèrent en fait les exporter. C'est souvent plus rentable que de les traiter en France, et c'est légal, à condition que les déchets ne soient pas dangereux et qu'ils soient correctement pris en charge à destination. Ces images prouvent donc une faille dans le système, puisque les emballages se retrouvent tout simplement déposés illégalement dans l'environnement. Une situation insupportable pour les habitants. Certains déchets français exportés en Malaisie sont donc déposés dans la nature. D'autres finissent brûlés dans des usines illégales comme celle-ci. Les rejets toxiques mettent en danger l'environnement et la santé des habitants. Chaque année, la France exporte plusieurs centaines de tonnes de plastique ménager vers la Malaisie. Dans l'Hexagone, ces exportations sont contrôlées par Citeo, un organisme privé agréé par l'État. Nous les avons interrogés pour essayer de comprendre comment une telle situation était possible. Comment on explique que des déchets qui sont triés par des particuliers en France, potentiellement recyclables, se retrouvent dans la nature en Malaisie ? C'est clairement une entorse à nos règles. Nous avons un système dans lequel les personnes qui reprennent ou qui négocient les tonnes de déchets plastiques doivent nous fournir un certificat de recyclage pour démontrer que ces tonnes de plastique sont recyclées en Europe ou dans des pays voisins ou dans des conditions en tout cas assimilables à celles qu'on trouve en Europe. Il y a très peu d'exportations de déchets de collecte sélective en dehors de l'Europe. On recycle à 88% en France, à 10% en Europe et simplement 2% des déchets partent dans certains cas dans des pays d'Asie. 2% de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, ça fait quand même beaucoup de déchets. S'ils sont triés correctement, ça va. Et s'ils sont recyclés correctement, ça va. Mais si micro cas, ouvert. Ouais, mais on peut inventer autre chose que la télé, c'est pas de la télé. C'est ça qui est chouette. Marc. J'ai été faire une radio aussi. Ouais, bonjour. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, je suis en face de... Enfin, je rencontre ce Marc Kayak, quoi, qu'on entend parler dans la région. Mais moi, je n'avais jamais entendu parler. Je ne l'ai même jamais croisé parce que j'ai passé des tonnes de fois à vélo ici, le long de la Meuse. Jamais vu, quoi. Alors, est-ce que tu fais, Marc Kayak, vraiment du kayak pour ramasser les détritus ? Ou bien c'est juste pour le show, la télé, la radio? Non, je fais vraiment du kayak. Il y a des gens aussi qui me disent, on ne te voit pas, c'est normal, je fais des kilomètres en kayak déjà. Donc il y a déjà deux îles, il y a l'île de Dave, il y a l'île de la Plante. Si tu passes au moment où je suis de l'autre côté de l'île, tu ne saurais pas me voir déjà. Donc voilà, maintenant tu passes rarement quand il pleut, parce que quand il pleut, je suis visible. Non, je passais vraiment par tous les temps quand je bossais dans l'hébergement, matin très tôt, tard le soir. C'est ça qui est dingue, quoi. Je t'ai jamais vu. Cette année-ci, je suis un peu déprimé du temps qu'il fait, c'est clair. Et moi, en dessous de 10 degrés, je ne fais que les après-midi jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'il fasse noir. Tandis que dès qu'il fait plus de 10 degrés le matin, là, je suis du lever du jour au coucher du jour dans mon kayak. Maintenant, je dis mon kayak, mais j'en ai deux. J'en ai un, enfin depuis peu, j'en ai deux. J'en ai un ici à la Plante et j'en ai un du côté Namur. Ce qui fait que maintenant, je fais 4 jours la Plante, 3 jours, 3 jours Namur. Selon quand j'ai des drapeaux à sortir, parce que moi, je sors sur mon kayak, je mets des drapeaux. Et par rapport à leur fête nationale ou à des fêtes importantes, parce que chacun de mes drapeaux, je les sors deux fois. Et deux fois quoi, sur l'année, tu veux dire ? Sur l'année, oui, chacun. Et j'ai à peu près, j'ai plus, je ne les compte plus, mais j'ai plus que 140 pays différents. Et j'ai des régions et j'ai tout ça. Et puis aujourd'hui, c'est la journée contre l'homophobie. Donc aujourd'hui, ce sera le drapeau gay que je vais sortir. Bien que les origines du drapeau ne sont pas gays, mais aujourd'hui, c'est voilà, la journée mondiale contre l'homophobie. Donc c'est pour ça que je sors ce drapeau-là. Je suis complètement hétérosexuel, mais j'estime que tout le monde a le droit de faire exactement ce qu'il a envie et a le droit d'avoir exactement les attirances qu'il a envie dans sa vie. On n'est plus au 18e siècle. Est-ce que tu comprenais au 18e siècle? Est-ce que tu comprends la logique du 18e siècle? Je ne comprends pas trop la logique. Pour les hommes, c'était mieux. Hein. On pouvait avoir plusieurs femmes. Mais non, c'est, franchement, voilà, maintenant on avance. On progresse de siècle en siècle. Et c'est, maintenant, au 21e siècle, c'est impensable de savoir que, j'ai entendu ça ce matin, qu'il y a plus de gens homophobes que de gens racistes. Et c'est quoi? L'homophobie n'est pas une maladie, n'est pas tout, c'est un truc qui arrive à des gens qui... Voilà, il n'est pas marqué dès qu'on est né, il faut absolument avoir des enfants... Voilà. Bien, parce qu'on démarre dans le vif du sujet, tout de suite comme ça. Donc, Marc Kayak, donc, c'est le gars qui ramasse, j'ai lu ça, depuis 10 ans, des déchets dans la Meuse. Explique-nous un peu quoi, des déchets. Ben voilà. Déjà, j'ai commencé il y a 10 ans, suite. J'étais en train de faire un tour avec mon kayak et je vois un cygne qui est en train de manger un morceau de frigolite. Je l'ai vu agoniser pendant 10 minutes. Je l'ai vu crever, mais cette histoire-là, j'ai raconté plein de fois. Ouais, il est mort, sérieusement. T'as rien pu faire? On ne sait rien faire contre un cygne. Si j'essaye de faire quelque chose, un coup de bec, il m'arrache la main, le cygne. Et depuis, alors à ce moment-là, au début, je ramassais que les frigolites. Et puis après, quand j'ai vu tous les déchets qu'il y avait sur l'eau, ça me rendait malade. Comme quoi d'autre alors? Maintenant, je ramasse. C'est les canettes, c'est les plastiques, c'est tout. Bon, c'est clair qu'on voit la Meuse. Bon, peut-être que tu ne m'as pas beaucoup vu sur l'eau, mais quand tu la vois, elle est propre. Hein, donc, elle n'est pas propre par hasard. Et voilà. Et puis, au fur et à mesure des années, maintenant, je sors, parce que je sors même en hiver, donc je sors passer 240 fois par an, hein, peut-être même 300 fois. Et... Mais quoi, c'est suite au signe que tu vois bouffer toute la frigolite, tu te dis qu'il faut faire quelque chose, quoi. C'est ça? Oui, mais déjà, je suis quelqu'un qui a toujours été un peu dingue de la nature. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rendu malade. Et puis après, j'ai compris que l'eau, ce n'est pas que ça. L'eau, c'est à force de ramasser tous les déchets, tout ça. Je ne fais pas grand-chose pour la planète, mais je fais beaucoup pour la commune. Je sauve la faune et la flore de la commune fluviale. Et aussi, pas oublier que l'eau de la Meuse, c'est l'eau du robinet, c'est de l'eau potable. L'eau des toilettes aussi. C'est l'eau de chez toutes les personnes. Oui, mais donc elle n'est pas complètement potable non plus. Oui, mais non, mais voilà, elle est filtrée, elle est potable, elle est filtrée à taille fer. Et que cette eau-là, c'est la même eau qu'il y a dans les robinets à Bruxelles. Hein. C'est l'eau de la Meuse à Bruxelles. Et alors... Ouais, vraiment? Vraiment. C'est vraiment l'eau de la Meuse à Bruxelles. Et alors, il y a aussi que c'est une partie de notre oxygène, l'eau. Hein. Donc voilà, il ne faut pas... C'est dommage qu'il y ait... Après 10 ans, ça commence à se développer. Je veux dire, il n'y a plus que moi qui ramasse sur les eaux parce qu'il y a une association à Bruxelles qui le fait sur le canal. Depuis deux ans, ils sont installés depuis 2 ans, je les connais bien. Mais sur la Meuse, il y a de temps en temps, j'entends dire, tiens, là, à tel endroit, il y en a qui ramassent. Et puis après, j'entends plus jamais parler d'eux. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être arrêté. Bah, tu peux ramasser tout un week-end et puis faire autre chose de ta vie. Hein. Tu n'es pas obligé de mener une mission comme toi, tu fais depuis 10 ans. Non, il faut ramasser tous les jours, parce que c'est tous les jours qu'il y a des gens incivils qui jettent. Moi, tous les jours, je ramasse une vingtaine de masques par jour sur l'eau. Et c'est... Non, mais vraiment? Vraiment. Tous les jours, je remplis le kayak. Tous les jours, je remplis le kayak. De déchets? De déchets. Pas forcément de masques. Voilà, pas forcément de masque. Maintenant, il y a encore quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ouais, t'as la belle vie là sur l'eau. Moi, je défie des gens venir avec moi quand il fait 30 degrés dehors, nom de Dieu, qu'est-ce que ça pue dans le kayak, hein, parce qu'à à Facebook et tout ça, on voit l'image, mais on ne voit pas l'odeur. Hein, Quoi, tu veux dire quoi? Que t'es pas forcément... Je ne suis pas forcément en vacances sur l'eau, comme il y en a qui ont l'air de le penser. Mais ça, c'est une drôle de manière de dire... c'est qui te renvoie ça? Il y a des gens comme ça qui ont absolument besoin de critiquer quoi qu'ils fassent dans leur vie parce qu'ils ne savent pas faire grand-chose de leur côté. Bah donc, pourquoi tu rentres dans le jeu? C'était juste pour citer un exemple que... faire ce que je fais sur l'eau, c'est pas du chômage. Voilà. Maintenant, une chose que j'ai déjà dit, moi j'ai connu 3 bourgmestres depuis que je ramasse les déchets, hein, et j'ai toujours dit, ce serait bien de mettre plus de policiers en civil pour pouvoir punir les incivilités des gens, et que les gens qui jettent, qu'on les amène un jour, 2 jours, 3 jours avec moi sur l'eau, ils vont vite arrêter de jeter, hein. Quoi, t'es déjà tombé nez à nez avec quelqu'un qui jetait, toi? Oui, hein, les gens qui ne me connaissent pas, les gens qui me connaissent maintenant, et puis les gens qui... l'eau est quand même moins polluée par ici qu'avant, donc les gens me connaissent bien. Maintenant, j'espère qu'ils ne jettent pas autre part. Hein. Mais les gens qui ne me connaissent pas, il y a encore eu la semaine dernière, j'ai un sifflet dans mon kayak. La semaine dernière, je vois des jeunes, des jeunes une vingtaine d'années, jeter leur canette qui était dans un sac, dans une poubelle publique, mais après ils prennent leur sac, ils le jettent et ils le cachent dans un buisson. Moi je vois ça de mon kayak, je commence à... Mais pourquoi ils font ça? Parce que ils voulaient, je sais pas, le sac il rentrait pas dans la poubelle, c'est des petits... Ah voilà, voilà, voilà. Maintenant, allez, ça sert à rien de jeter, s'ils veulent absolument polluer, ça sert à rien de jeter les canettes dans la poubelle, alors si c'est pour aller, après jeter un sac en plastique... le cacher dans un buisson. Moi, j'ai vu de mon kayak. J'ai un sifflet dans mon kayak. Et quand je vois des pollueurs... Avant, j'avais une flûte, mais on me l'a volée. Mais j'ai un sifflet dans mon kayak. Quand je vois des pollueurs, je siffle et je dis pollueur, pollueur, pollueur. Et là, j'ai sifflé. Ils ont compris que je les avais vus. Ils ont vite retiré du truc. Et j'ai dit, attention, pas bien. Il faut mettre dans les poubelles. Voilà. Oui, donc il n'y a pas eu une discussion entre vous, ça s'est passé loin, c'est ça, il n'y a pas eu une discussion, parce que ce qui est intéressant après, c'est de discuter avec ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, quoi, tu vois, qu'est-ce que... Moi, je discute beaucoup avec les gens au bord de l'eau, et je discute fort beaucoup même avec les gens au bord de l'eau, et je me montre le plus sympathique possible, et je le suis de toute façon, c'est ce que tout le monde me dit, le plus sympathique possible avec les gens, mais je le fais même... Voilà, par exemple, je vais voir une bande de jeunes en train de boire de la bière. Je vais aller discuter avec eux, mais je ne vais pas leur parler de leur bière qu'ils sont en train de boire. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais le fait d'avoir déjà eu un contact avec eux, je suis sûr que dans leur tête, ça leur fait réfléchir. Parce que tout le monde connaît Marc Kayak et ils doivent se dire, on va respecter Marc Kayak, on va les mettre dans la poubelle. Et il est sympathique. Moi, je cherche à être sympathique avec les gens pour... Mais donc c'est chouette que tu dises ça, parce que du coup, quand tu parles un peu de flics ou de policiers, ou de je ne sais plus comment tu as utilisé, de dire qu'il faut plus fliquer les gens, moi je crois que ce n'est pas forcément... je trouve que ça vient plutôt ce que tu dis là maintenant, tu vois, de dire... il faut qu'il y ait peut-être plus de poubelles. Tu n'as pas l'impression que dans l'espace public, il y a moins d'endroits où on peut, nous, les gens, jeter nos déchets, quoi. T'as pas l'impression qu'on met de moins en moins de poubelles aussi aux endroits où il faudrait qu'il y en ait, quoi? Non, il y a des endroits où il y a beaucoup de poubelles, il y a des endroits où il n'y a pas de poubelles. Mais celui qui sait qu'il va boire un verre et tout ça, qui se balade avec son sac en papier ou en plastique ou tout ce qu'il veut avec lui, et qu'il mette dedans, qu'il aille jusqu'à la première poubelle pour aller jeter dans la poubelle. Parce que c'est vrai, moi j'ai été... J'ai été faire mon vaccin samedi. Et j'ai remarqué... Félicitations. Ouais. Et j'ai remarqué, mais je le fais par rapport au respect des autres, ce serait tenu rien qu'à moi, je ne l'aurais pas fait. C'est par respect que je le fais, j'aime bien avoir du respect pour les gens. Maintenant, j'ai marché sur le côté gauche de la Sambre, donc en allant vers le palais des expositions. Et là, c'est vrai que j'ai ramassé sur mon chemin plusieurs canettes. Je n'étais pas là pour ça, donc je n'avais pas de sac, donc j'ai pris ce que je pouvais sur le chemin. Et que du Grognon, pour ceux qui connaissent Namur, du Grognon jusqu'à l'écluse de Salzine, donc jusqu'au palais des expositions, il n'y a pas une poubelle. Il n'y a pas une seule poubelle. Et par contre, l'autre rive de l'autre côté, il y a 5-6 poubelles. Maintenant, quand je fais ici à la plante, des poubelles, il y en a tout plein à la plante. C'est touristique ici, hein, non ? Il y a les bateaux, je vois, c'est la saison, c'est très... Oui, c'est snob, quoi, c'est ça. C'est snob. Mais par contre, à la plage d'Armée qui est de l'autre côté, qui est beaucoup moins snob aussi, il y a plein de poubelles partout aussi. Mais là-bas, on trouve plus de déchets autour des poubelles que dedans. Maintenant... Pourquoi ? Parce qu'elles sont remplies, les poubelles ? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement, parce que les gens, ils se font bronzer dans les pelouses là, quand il y a du soleil. Et puis, hop, on jette ça et on ne veut pas se lever pour aller mettre à la poubelle. Mais alors, un autre truc que je vais reprocher, je ne vais pas dire tous, mais la plupart des ouvriers communaux qui viennent ramasser les poubelles, ils vont ramasser ce qu'il y a dans la poubelle, mais s'il y a quelque chose qui traîne au pied de la poubelle, ils ne vont pas le ramasser. Donc, si c'est quelque chose qui peut s'envoler, tout ça, ça peut se retrouver dans la Meuse et tout ça. C'est regrettable. Maintenant, il y a aussi, je vais vite achever ce que j'ai à dire aussi par rapport à ça. Et ça, de toute façon, je l'ai déjà dit à plusieurs endroits aussi. Il n'y a que beaucoup d'ouvriers, je vais dire par rapport au bord de Meuse, par exemple, quand je leur fais des remarques par rapport à comment est-ce qu'ils travaillent, je vais expliquer après pourquoi. Ils s'en foutent complètement, c'est-à-dire, par exemple, les gens qui sont responsables des bords, des herbes et tout ça de Meuse, c'est le SPOE. Et le SPOE, eux, comment est-ce qu'ils travaillent ? Deux, trois fois par an, ils coupent les herbes sur le bord de l'eau. Mais après, le SPOE, c'est Service Propreté ? Service public de Wallonie. Okay. Et comment travaille le SPOE ? Ben, ils ont les mêmes habitudes depuis 30 ans, sauf qu'il y a 30 ans, on parlait moins de la pollution que maintenant. Ils rasent les herbes et tout ça, là, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent, ça fait des beaux bords et tout ça, tant mieux. Mais en même temps, derrière, il y a un bonhomme qui est là pour souffler et tout ça, tous les plastiques et tout, ils font tout aller vers l'eau, quoi. Ah bon ? Ah ouais. Sérieux ? Sérieux. Tu balances carrément ? Je balance et j'aurais jamais fini de les balancer tant que... je les ai déjà balancés sur plusieurs chaînes de télévision aussi. J'aurais jamais fini de les balancer tant qu'ils continueront leur travail comme il y a 30 ans. Moi, je dis aujourd'hui, on sait exactement ce qu'un morceau de plastique, ce qu'une frigolite, ce qu'un masque fait dans l'eau. Ça tue les canards, ça tue les bonnes algues. Les poissons, enfin tout ça, mais vraiment, oui. Et c'est eux qui devraient montrer l'exemple, c'est eux qui ne le montrent pas. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe à Bruxelles par rapport à ces gens-là, mais je peux dire qu'à Namur, ils sont en dessous de tout. Ouais, donc l'histoire des déchets, c'est un peu l'histoire de ta vie, quoi. Donc toi, tu dis que tu as toujours été branché sur la nature, ce serait alors un acte, comment on dit ça, un acte simple. Naturel. Un acte de don, quoi, ouais. Vers la nature. Mais c'est un acte, pour moi, c'est... Bon, la nature, elle sera jamais capable de se réparer par elle-même. Pour moi, nous sommes des humains, nous sommes... Je suis pas responsable que ce que l'autre jette, mais l'autre qui a acheté, il va dire qu'il est pas responsable non plus. Donc il faut bien quelqu'un pour réparer les cicatrices qu'on fait à la terre. Non, mais voilà, moi ce que j'avais envie aussi d'amener la conversation, c'est ok, tout ça, tout ce que tu dis, Marc Kayak. De quelle marque la marque Kayak? T'as une marque précise de Marc Kayak? Non, c'est non, il n'y a pas un kayak que tu trouves, non. Ça, c'est le top du top, ou bien, oui, en plus, c'est quoi le top du top en kayak? Le top du top, je ne sais pas ce que j'ai, mais tant pis. Je ferais que tu savais une marque de kayak, là, franchement, c'est tout, t'en as pas une, quoi. Ben, non, c'est pas ce que j'ai, mais ce que j'ai, je suis super content de les avoir, parce que mon dernier kayak que j'avais... Et je l'ai troué et il y a le gars qui est responsable des descentes de la liste qui m'a offert deux kayaks gratuits, alors qu'un kayak c'est minimum 1000 euros. Neuf, mais de toute façon dans l'état où ils sont minimum, on va dire 500 euros. Donc voilà, j'ai économisé 1000 euros et sans compter que j'avais foutu une cagnotte sur Facebook qui m'a fait rapporter en 24 heures 800 et des poussières et puis maintenant il y a 900. et tout. Mais comme j'ai reçu deux kayaks gratuits, j'ai détourné la cagnotte qui sera jusqu'au mois de juillet, je crois, la cagnotte, pour un groupe qui ramasse les déchets sur l'eau dans le canal à Bruxelles. Donc, il s'appelle Hit Up, je ne sais pas quoi, à Bruxelles. Enfin, bref. Quoi, en anglais ? Oui, mais c'est des gens, en fait, qui travaillent sur le canal à Bruxelles, des jeunes, pour ramasser les déchets donc, sur le canal, mais qui invitent le public à venir ramasser avec eux. Et moi, j'essaye de le faire à Namur, ça ne marche pas. Moi, les gens, ils ont l'habitude de me voir tout seul sur l'eau, alors ils veulent que je reste tout seul sur l'eau. Mais à Bruxelles, ça marche très bien. Ils ont du monde qui vient chez eux, donc ils louent le kayak, mais moins cher que ce qu'ils loueraient à Vilvoorde ou que sais-je. Et les gens vont faire du kayak pour ramasser les déchets dans le canal, c'est génial. Hallucinant. Dans quel monde on vit ? Voilà. Non, mais moi, c'était juste j'avais envie d'amener la conversation comme ça, parce que c'est toujours la question que j'ai envie de poser quand... OK, il y a des déchets, d'accord ? OK, il y a des gens qui jettent carrément, qui font un acte carrément de jeter au sol. Alors, tu ne sais pas s'ils le font parce qu'ils ne sont pas éduqués, parce qu'ils n'ont pas conscience. Enfin, tu vois, tu ne comprends pas bien ce geste, alors que, quelque part, moi, je l'ai intégré. Moi, Grazella, je l'ai intégré, mais il y a peut-être d'autres gens qui n'ont pas la même éducation, qui n'ont pas intégré le truc, quoi. Tu vois, déjà ça. Parce que je ne me dis pas que d'office, c'est des enfoirés qui veulent pourrir le monde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que j'avais envie de discuter avec toi aussi, pour voir si tu avais un retour des gens, quand tu discutais avec eux, quand ils avaient jeté au sol. Enfin, par terre quelque chose, et tu dis, hey, gars, pourquoi, ou fille, pourquoi tu fais ça, en fait ? Tu as déjà réussi à te confronter à des gens hein, comme ça ? Mais je vais dire, il n'y a pas plus tard, l'année dernière, quand j'ai sorti mon drapeau algérien, j'étais à Dave, c'est un peu plus loin qu'ici, et il y a des Algériens qui étaient là, oh, chouette, parce que c'est bien de sortir le drapeau, il y a les gens du pays qui se reconnaissent dans leur drapeau et tout. Et il y a des Algériens qui viennent, oh, c'est bien, t'as sur notre couleur, c'est notre fête nationale, c'est un 1er novembre. Et tu fais quoi là et tout ? Alors moi je leur explique que je ramasse les déchets sur l'eau et tout. Ah ben on n'a jamais. Enfin, il y a un des deux Algériens qui dit, j'ai jamais fait attention, mais maintenant je ferai attention à ce que je fais. Et parce que j'ai expliqué que l'eau, c'est notre vie, c'est la vie à chacun de nous. Tu as un autre exemple, parce que sinon, ça fait comme si les Algériens jetaient leurs déchets. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non. Pas un autre exemple ça, encore ? Ça, c'était un exemple par rapport à quand j'avais sorti le drapeau algérien. Maintenant, j'ai des exemples. J'ai des gens en hors-bord. Bon, à partir du mois de juin, la saison vitesse va recommencer sur l'eau. Et... au début que je ramassais, beaucoup de gens hors bord pique-niquaient dans leur bateau et je retrouvais régulièrement des sacs en plastique qui arrivaient d'où les pions avec tout le pique-nique et tout dedans. Il y a combien de temps de ça ? Oh, c'était tout au début, c'était il y a 8-9 ans et tout. Peut-être les gens feraient moins comme ça aujourd'hui, ils sont plus éduqués ? Non, c'est à force, je crois qu'à force de me voir, parce que je discute beaucoup, je connais tous les bateaux qui sont sur l'eau quasi, hein. Et ils viennent tous maintenant avec leur sac, ils font leur pique-nique, ils mangent dans leur bateau et ils ont leur sac et ils jettent sur le bord. Oui, il y a toi évidemment ici dans la région, mais il y a aussi de plus en plus conscience que le plastique c'est dégueulasse, que ça crée plein de problèmes, que ça ne... Je lisais un article dans un journal qui expliquait que le plastique, c'est vraiment un souci. Hein. On ne sait pas s'en débarrasser, quoi, tu vois. Et le brûler, ça pue, c'est mauvais pour la santé. Enfin, c'est vraiment un problème, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a une conscience un peu plus éveillée maintenant, aujourd'hui, pour tout ça aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Mais il y a une grosse conscience par rapport aux méfaits du plastique. Déjà, les plastiques qui s'enfoncent dans la terre avec le temps et tout ça peuvent dévier les eaux des nappes phréatiques. Déjà, ça peut entraîner des sécheresses sur les nappes phréatiques. Et le plastique ou même les boîtes de coca et jupilées et tous ces machins-là, c'est des vraies saloperies dans le sol. Hein. Donc, bien que le plastique, on ne sait pas encore... on n'a pas assez de 1000 ans pour attendre que ça se décompose. Une boîte de coca, elle finit quand même par se décomposer, mais c'est la peinture qui est dessus qui est toxique. Hein. qui est fort toxique. Sinon, c'est de l'aluminium. L'aluminium, on en trouve dans le sol. Les frigolites, c'est quelque chose d'horrible. Je veux dire, il y a pire que le plastique, c'est la frigolite. La frigolite... C'est du plastique, la frigolite. La frigolite, c'est du plastique, mais qui s'émiette dans les sols et qui donne des petits... Enfin, le plastique aussi, il s'émiette aussi. Mais il y a des petites particules qui arrivent jusqu'à qui pourraient arriver jusqu'à nos robinets, des trucs dans le genre. C'est très dangereux pour les animaux. Les petites particules de plastique, les animaux ingèrent, ça, y compris nos vaches dans nos champs, que nous, on a dans notre assiette après. Hein, donc, faut pas croire que pourquoi aller plaindre les animaux alors qu'il n'y a qu'ils le bouffent. Non, nous, on le bouffe après dans notre assiette, tout ça. Oui, mais les bidoches, elles sont aussi injectées plein de trucs dégueulasses. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est la question que je voulais aborder absolument, c'est qui produit. Tu vois tout ce bazar. C'est ça qui est dingue. C'est que toi, tu ramasses, et c'est ouais. Clair que c'est super. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de plus moche que de voir des canettes et des plastiques dans la nature. C'est un côté triste, vraiment triste. Mais on ne change pas vraiment la donne de la production de toutes ces merdes. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi qui est dingue. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu vois les choses? Mais moi, sincèrement, ce que je trouve qu'on devrait faire, par rapport, par exemple, on trouve, moi je trouve des déchets avec il est marqué Kinder, il est marqué Jupiler, il est marqué Coca et tout ça. Mais je trouve que il faudrait pouvoir pénaliser donc donner des amendes aux sociétés dont les déchets traînent, dont il est marqué il est marqué Coca-Cola. Bon, ben on va. Je crois que c'est près de la chaussée de Mons à Bruxelles, Coca-Cola à Sint-Pietersluis même, je crois. On va voir Coca-Cola, une amende et tout ça. Mais le problème, c'est que si on leur donne trop d'amendes, ils vont augmenter leurs produits. C'est le consommateur qui va casquer. Donc, moi, je dis qu'on foute des amendes aux multinationales au moment où on prendrait des pollueurs jetés sur le fait. Donc, qu'on pénalise et le gars qui a jeté et la société en question. Parce qu'à ce moment-là, le gars qui a pollué, il va se retrouver avec une amende. Bien sûr, moi aussi, je trouve que les amendes devraient être en pourcentage par rapport au salaire aussi. Hein, parce que sinon, le gars, je ne gagne pas assez d'argent, donc je ne sais pas payer, je suis insolvable, et puis basta. Et l'autre, c'est quoi 250 euros? Moi, je les fous à la poubelle, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. C'est marrant ta pensée parce que tu parles des multinationales qu'il faut taxer ou des gens qui ont posé un acte. C'est des actes criminels pour la planète. Carrément, toi. Pour moi, c'est criminel parce que, par exemple, comme on parlait tout à l'heure, un sac en plastique dans la terre, si on retire 5 ans après le sac en plastique de la terre, si on retire 5 ans après, il y aura quand même des particules, des plastiques qui seront parties dans la terre. Et c'est une cicatrice qui sera très dure, voire jamais, qu'on va jamais réussir à cicatriser. Moi, j'ai déjà dit, je prends peut-être une extrême, mais j'ai déjà dit à plein de gens, moi, pour moi, certaines pollutions qu'on met sur la terre, c'est comme si la Terre elle était violée au même titre qu'une femme qui se fait violer. C'est un truc que la Terre se souviendra toute sa vie. Sauf que dans 3-4 siècles, la Terre, même, j'espère encore plus, la Terre sera toujours là. Mais allez foutre des trucs. Oui, mais enfin, je suis d'accord avec toi, mais là, tu ne trouves pas que c'est... Parce que tu n'as pas encore une fois parlé de ça, hein, de la production. Ok, c'est les multinationales, mais je veux dire, c'est une matière chimique qui a été créée, le plastique... pour emballer tout et rien. On n'a pas besoin forcément que sa banane soit emballée, que son orange soit... Tu comprends ce que je veux dire? Et là, tu en parles, très peu, en fait, comme si, de toute façon, c'était le contribuable qui devait payer, c'était les gens qui posent des actes pas convenables. Ben, ils ont... Alors qu'au fond, on devrait se poser la question sur les déchets. Enfin, je pense aux bouteilles. Avant, on était à la bouteille en verre. Ah oui. Oui, mais c'est comme les sacs en papier. Hein. Oui, mais non, voilà. Oui, maintenant, je comprends mieux. Non, mais ça aussi, c'est un truc que j'ai déjà dit à plusieurs personnes. C'est clair qu'il faudrait arriver à un fait. Moi, je pense, s'il faut mettre une amende à une multinationale, c'est, par exemple, comme amende, c'est pas spécialement en argent, c'est de lui dire, voilà, tu arrêtes de produire pendant 3-4 jours tant que tu n'as pas trouvé d'idée pour changer ton mode d'emballage. C'est clair que dans le temps, on allait chez Delaisse, c'était des sacs en papier. C'est clair que dans le temps, on allait chez le laitier, on allait avec notre bouteille de verre, et on servait tout le temps de la même bouteille. Et on oui, ou son panier à soi. Enfin, tu vois, il y a plein d'autres manières de faire. Hein, mais... Ouais, mais voilà, mais il faut revenir. Ça est un business aussi, quoi. Il faut revenir vers ça. Et c'est clair qu'ici... Ici sur l'eau, je ramasse tous les étés, même déjà maintenant, des petites cuillères en plastique des marchands de glace. Déjà, ça devrait être obligatoire pour tout commerce, que ce soit au bord de l'eau ou pas, d'avoir. Il faut finir avec ces petites cuillères en plastique. C'est plus, en plus, ça flotte et puis ça coule. Et puis, de toute façon, dans la terre, ça rentre direct parce que les gens marchent dessus. Il existe des alternatives en bois. Il faut obliger là, je parle encore des commerçants. Il faut obliger les commerçants qui distribuent, par exemple, des glaces, des pâtisseries et tout ça, de donner dans des cartons, les petites cuillères en bois, par rapport aux bénéfices qu'ils se font. Ce n'est pas beaucoup plus cher que leurs cuillères en plastique. Hein, Non, mais tu vois, dans ton raisonnement, il y a ça aussi. Il y a la production qui pose question. Il y a la production qui doit s'arrêter. C'est un truc infernal qui est mis en route. Tu vois, je parle des déchets, là. Mais toi, Marc, tu es au chômage, ton temps. Comment ça se passe? Je veux dire, toi, tu es au chômage et tu passes ton temps à nettoyer. Je n'ai ni au chômage, ni au CPS. Je refuse un peu de... Je me démerde pas moi-même. Maintenant, depuis le début du Covid, c'est... je vis avec ma copine, hein, donc on vit avec très peu tous les deux pour le moment, depuis le début du Covid. Sinon, avant le Covid, les jours où j'étais pas en kayak, je suis artiste de rue. Et je suis humoriste. Sérieux? Ouais, c'est dingue ça de passer de ça, bon, comme quoi, hein, comme quoi. Mais donc, tu vois, c'est encore plus important parce que j'entendais que, comment il s'appelle, Prévost, Maxime Prévost, qui est le chef de Namur, on va dire ça comme ça. Et donc, il est au courant de ton existence, hein, parce qu'une fois, il y a les flics qui sont venus t'ennuyer. L'année dernière, j'étais sorti de l'eau. Disons que j'étais à un endroit où je pouvais être, les flics étaient à un endroit où je ne pouvais pas être, les flics m'appellent, monsieur venez, et puis après que je suis arrivé près des flics, ça a été, monsieur, vous, alors que tout le monde sait bien que je ramasse les déchets, monsieur, vous êtes en zone illégale, et veuillez sortir de l'eau et tout ça, je dis, mais vous n'avez rien à me dire, c'est la fluviale qui doit s'occuper de moi sur l'eau, eux c'était la communale, on reconnaît avec leur bande bleue. Et ils m'ont fait sortir de l'eau quand même, parce qu'après ils m'ont dit, vous voulez qu'on les appelle, alors ça vous coûterait leurs frais de déplacement et tout ça. C'est la fluviale, elle est basée à Bruxelles et à Liège, et à Namur, il n'y a pas. Et bon, ils m'ont fait sortir de l'eau, et alors ils m'ont dit, c'est les éclusiers qui nous ont dit que tu n'étais pas correct sur l'eau et tout ça. J'ai été invité chez les éclusiers m'ont dit, Marc, de toute façon, tu te mets toujours en zone interdite et tout ça. Ce qui est complètement faux, mais j'ai toujours... les éclusiers font partie du SPOE. Hein. C'est les mêmes qui, les éclusiers, quand ils tournent autour de chez eux pour nettoyer, ils jettent tout dans l'eau et je les engueule chaque fois et c'est ça. Moi, avant, je pouvais passer les écluses avec mon kayak. Moi, depuis ce jour-là, je ne peux plus passer les écluses avec mon kayak. C'est super. Ça, ça, j'adore parce que, évidemment, si tu ne vas pas dans le sens du poil, on t'emmerde, quoi. Voilà. Et alors, là-dessus, moi, directement... Moi, après, ils me gueulaient tellement dessus que je les laissais gueuler, je n'ai plus rien dit. Et alors, au pied, là où ils m'ont arrêté, qui était en zone illégale, il y avait une dizaine de paddles, ça puait le joint à 3 km. Et je disais aux flics, mais regardez, eux, ils étaient en zone... Devant eux, je leur dis, eux, ils sont en zone illégale avec leur paddle et tout, ils sont en train de fumer, picoler et tout. Et moi, vous me sortez de l'eau. Oui, mais on s'occupera d'eux après. Ils ne s'en sont jamais occupés. Et Ouais, c'est des touristes qu'il ne faut pas emmerder, quoi, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Et alors après, quand l'éclusier a eu fini de gueuler sur moi, donc après que j'ai été amené chez l'éclusier, quand il a eu fini de gueuler sur moi, comme je suis quelqu'un qui, depuis le début du Covid, je suis pas mal médiatisé, même beaucoup. À ton avis, pourquoi ? Je comprends pas, je sais pas chanter. Bon, mais non, et là j'ai appelé un journaliste qui m'a dit, attends, moi je suis en congé, mais je vais te mettre en contact avec un autre journaliste. C'est passé sur Facebook 50 minutes après. 24 heures après, il y avait 630 personnes qui ont demandé pour que je retourne sur l'eau, dont une centaine qui ont écrit à Maxime Prévost Maxime Prévost était demandé des comptes envers les policiers et les éclusiers qui lui ont dit, à Maxime Prévost qu'ils avaient fait une erreur, que normalement ils devaient s'occuper des paddles. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit à Maxime Prévost. Maintenant, une chose que je regrette dans cette histoire-là, c'est que à l'époque, Maxime Prévost n'a pas voulu écouter ma version des faits. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as eu des ennuis quand même et une amende ? Non, non, moi j'ai rien eu. Maxime Prévost m'a même protégé par rapport à tous les messages qu'il avait reçus, m'a remis sur l'eau et tout ça. Mais avec la version des policiers et des éclusiers, et pas la véritable version que il moi. Il n'a pas voulu t'entendre, toi, c'est ça ? J'ai écrit plusieurs fois pour essayer de donner la même version. Apparemment, la version de la police lui suffisait. Voilà. Maintenant, où va-t-on si on ne peut plus faire confiance à un flic ? Mais ça, c'est un autre débat. Ça fait déjà quelques années qu'on se le demande. Mais donc, dans cet article, on comprend qu'il connaît ta... Il connaît ta, comment dire, ton action de nettoyer la Meuse et tout ça. Oui, mais... Mais en même temps, moi, c'est ça que j'avais aussi envie de comprendre. En même temps, toi, tu n'as pas de revenus, tu te débrouilles à... Tu vois, est-ce que est-ce que ça va ? Est-ce que ça va dans ton quotidien ? Est-ce que tu trouves ça juste ? Est-ce que, tu vois, on pourrait pas un peu... je sais pas, moi. Ben, tu comprends un peu le sens de ma question ou pas du tout ? Selon moi, je m'en fous de gagner de l'argent ou pas par rapport à ce que je fais. Parce que si je viendrais à gagner de l'argent, alors à ce moment-là, il y a des gens qui pourraient se dire « mais il fait ça pour l'argent » et tout ça. Oui, oui, mais attends. Moi, je suis d'accord qu'il faut pas toujours parler d'argent quand on fait quelque chose. Mais on doit tous manger... payer des petites... Non, mais c'est vrai, je veux dire, tu vois ce que je veux dire ? Comment est-ce que tu t'arranges avec tout ça ? Mais moi, je m'arrange déjà... c'est vrai, depuis un an, donc je reçois de l'argent, je ne peux pas dire d'où, parce que je reçois de l'argent. Tu peux me le dire à hors micro, comme ça, moi ouais. Aussi, je demanderai. Je reçois de l'argent de ma famille, ouais. Voilà, mais je ne peux pas... Oui, voilà. oui, mais pas de souci, il ne faut pas que tu aies des ennuis. Voilà. Mais là, tu le dis au micro. Je le dis au micro, mais on ne sait pas qui c'est de ta famille, quoi. Ouais, mais voilà. Enfin, je reçois de l'argent de quelqu'un de ma famille, mais je ne dirai pas qui. Et parce que justement, qui aimait bien les blagues que je faisais à Bruxelles. Je faisais toute la Wallonie, sauf la province de Namur, parce qu'en province de Namur, je suis connu pour mon kayak et je ne veux pas qu'on me paye par rapport à ce que je fais sur l'eau, par rapport à mes blagues. Et donc, Bruxelles, je connais même très bien par rapport à mes blagues. Et alors, c'est vrai qu'à l'époque, je me faisais payer dans certains quartiers comme Molenbeek, Anderlecht et tout ça en troc. Et je recevais pas mal de viande et tout ça. Et que depuis le Covid, je ne reçois plus rien. Pourtant, je mange plus. Mais non... Bon. Parce que sinon, je mélange. Tu continues un peu ton activité d'humoriste, alors ? Je fais plus du tout depuis un an. Et je crois que je vais arrêter complètement parce que j'ai été tellement médiatisé que j'ai peur que les gens me payent parce qu'ils m'ont vu à la télévision ou à la radio et tout ça. Et ce n'est pas le but de mon truc d'humoriste. Je vais arrêter pendant un certain temps, en tout cas, même après le Covid. Et de toute façon, je vis avec ma copine, donc ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Maintenant, elle a une pension handicapée. On a, je ne sais pas combien elle a, je crois que c'est 900 idées poussières par mois. On vit à deux avec ça. Pour moi, 900 idées, c'est largement suffisant. Je suis tout le temps sur l'eau. Tant qu'il n'y aura pas d'épicerie sur l'eau, ce sera largement suffisant. Tant qu'il n'y aura pas d'épicerie sur l'eau ? Parce que si demain, il y a une épicerie sur l'eau, je me sentirai obligé de dépenser de l'argent. Ah, voilà. C'est vrai, ça. Mais du coup, pour faire le lien avec... tout ça, si par exemple, toi, demain, Il y avait plus, imaginons, hein, il y a plus de déchets, il y a plus de détritus. Mais ce serait bien. Ce serait bien. Je me dirais pas que j'y suis pour quelque chose. C'est tous les bénévoles qui sont pour quelque chose, parce qu'il n'y a pas que moi comme bénévole à Namur. Il y a à peu près, et ça augmente d'année en année, il y a 80 bénévoles qui ramassent les déchets à Namur. Mais Marc, c'est, j'entends bien, hein, mais ce n'est pas une question de ramasser, c'est une question qu'il faut s'attaquer à la production. Ouais, mais non. C'est comme si toi et tous les autres qui ramassent, ils mettent un, comment on dit, un sparadrap sur une plaie béante, quoi. Ouais. Je veux dire. Tu vois, je suis d'accord avec toi, il faut s'attaquer à tout ce qui produit ces déchets. Mais il faut s'attaquer aussi aux gens qui jettent ces déchets. Parce que même si on viendrait à revenir en sac en papier, aux bouteilles en verre et tout ce qui s'ensuit, le gars qui a eu l'habitude de jeter quand il y avait le plastique, il jettera sa bouteille en verre. Hein. Donc si on commence à voir 10 000 bouteilles en verre qui sont jetés dans la nature, on se dira, ben, nom de Dieu, le verre, ça pollue, alors que ça ne pollue pas du tout. Et ça aussi, un truc que les gens ne comprennent pas aussi. Il y a des substances, des fois, que naturellement, je ne vais pas ramasser sur l'eau, et pourtant, les gens ont l'impression que tout ce qui traîne à terre est de la pollution, mais non. Hein. Je veux dire, par là, il y a des trucs que je suis un peu contre. Par exemple, les gens qui promènent leurs chiens. Le nombre de toutounettes que je ramasse sur l'eau, moi je préfère qu'il laisse la merde de son chien sur la terre, au moins ça fait de l'engrais, mais qu'il arrête de ramasser la merde de son chien dans un sac en plastique et qu'il la jette sur l'eau. Ou bien alors que les villes changent leur emballage pour ramasser les merdes des chiens. Mais ramasser les merdes de chiens avec des sacs en papier, ça risque d'être un peu... hein? Mais voilà, moi quand j'étais... Je vais dire quand j'étais gamin... Automatiquement, quand quelqu'un avait un chien, on apprenait au chien à faire ses besoins dans le caniveau ou dans la terre et pas sur les chemins. Non, maintenant, le chien, il chie où il veut et on ramasse là où il chie. On ne lui donne plus l'éducation par rapport à ça. Mais en même temps, on ramasse avec des sacs en plastique, on jette partout. Ça n'a aucun sens. Ou bien on change les emballages des chiens, ou bien on vient avec les chiens qui peuvent chier dans les pelouses et dans les caniveaux, c'est tout. J'adore le sujet de conversation, là. Je dis ça parce que les sacs des chiens, je ramasse beaucoup. Beaucoup, tous les jours. Mais quoi, les gens doivent ramasser avec un sac en plastique? Oui, il y a des petits sacs en plastique qui sont prévus, des toutounettes qui sont prévus pour ramasser les crottes de chiens et tout ça. Mais il y a ça dans toutes les villes en Belgique. Et les gens, ils ramassent avec leurs petits sacs en plastique. Et puis après, s'il n'y a pas une poubelle tout près, ils balancent ça n'importe où. Ça n'a aucun sens, c'est du plastique. C'est une merde. C'est dingue ça, c'est vraiment le cadeau, le cadeau lancé. C'est dingue. Ou alors qu'on invente des bocaux qu'on ramasserait avec le couvercle et qu'on mette dans le bocal. Oh, arrête quoi. Non mais en fond... Comme c'était avant, c'était pas mal. Il y a juste qu'il y a de plus en plus de gens qui se plaignaient parce qu'ils marchaient sur des crottes de chien sur les trottoirs. Mais c'est pas le problème de la crotte de chien sur le trottoir. C'est pas là qu'est le problème. C'est là où on éduque le chien qui est le problème. Et le chien. Il y a peut-être des gens qui ont de plus en plus des petits chiens aussi, tu vois. Ouais, le petit chien, il s'est chié dans le caniveau. Hein. Il n'a pas besoin de faire au milieu du chemin qu'on le ramasse avec le plastique. C'est d'un ridicule. Moi, les toutounettes, je trouve ça ridicule. Franchement, ridicule. C'est de la substance en plastique en plus sur la terre qu'on pourrait éviter. Ouais, c'est un drôle de monde. Mais t'as déjà entendu le zéro déchet? Les zéro déchets, ouais. C'est quoi? Tu connais un peu plus? Moi, ce que je sais, c'est qu'il existe des épiceries comme ça, mais un peu... Ouais, c'est du vrac, hein, c'est... Oui, voilà. T'en penses quoi de ça? Mais ça, je suis fort pour. Mais dans le temps, les commerces, ils étaient tous comme ça. On pouvait servir à l'étalage et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus... Non, il y en a encore très peu quand je vois l'image de la Belgique. Il y a encore très peu d'épiceries, de magasins, de boucheries et tout ça qui font des trucs... on se sert soi-même et on vient avec notre emballage et tout. Il y en a très peu qui le font. Maintenant, il y a de plus en plus de jardins collectifs où eux vendent beaucoup de jardins collectifs parce que pas tous vendent des légumes et tout ça. Ouais, ça, c'est une bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose. Sauf que celui qui produit, je veux dire, soit du légume bio, parce que c'est deux choses complètement différentes, mais qui produit comme ça en guise de zéro déchet, donc en, voilà, c'est pas donné à toutes les bourses. Oui, c'est excessivement cher, ces trucs-là. C'est, dès qu'on fait quelque chose d'un peu bien, d'un peu naturel, il faut mettre le prix. Oui, mais est-ce que tu crois pas, parce que c'est ça aussi, est-ce que tu crois pas qu'on est un... comme si tout était retourné dans un autre sens, c'est-à-dire que payer, j'invente moi, 2,50€ pour un poulet, c'est pas normal, ou payer 0,95€ une courgette, c'est pas normal non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'on n'a pas aussi perdu un peu l'idée du prix des choses, quoi ? C'est pas pour ça que ça doit coûter la peau du cul non plus, mais tu comprends ce que je veux dire ? Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais va dans n'importe quelle épicerie bio. Non, mais bio ou pas bouillon. Ou pas bio. C'est-à-dire des productions locales. Dans n'importe quelle production locale, les prix sont excessivement hauts. Les prix sont excessivement hauts. C'est vrai que dans les grandes surfaces, les prix sont excessivement bas. Voilà. Mais eux, ils freinent. C'est vraiment... Moi, je pense qu'on va plus... oui, ça marche bien, donc on va pouvoir vendre ça bien cher. Non, mais pas tous, quoi. Moi, je suis d'accord que dans certains endroits, c'est la peau du cul. Mais dans d'autres, ça va, c'est relativement... C'est pas la majorité, hein. C'est pas la majorité, ça. Moi, je dis que la majorité des gens qui commencent à ouvrir des épiceries ou n'importe quoi en zéro déchet, c'est des gens qui vendent très cher. Un petit revenu ne pourrait pas se permettre. C'est comme si on est dans un système, je vais dire européen, je vais pas dire belge, parce que c'est toute l'Europe qui est pourrie. On est dans un système... où la personne d'un certain niveau aurait le droit de bien manger, mais celui qui est au bas de l'échelle, mais qu'il aille au grand magasin. Mais le problème, c'est qu'on continue à favoriser les grands magasins. On continue à favoriser. On défavorise pas le pauvre par rapport à ça. On favorise les multinationales. Là, j'ai pas suivi ta pensée. J'ai compris le début. Mais étant donné que tout ce qui est vente... en vrac, donc tout ce qui est vente en zéro déchet, tout ça, d'office, on augmente un peu plus les prix et tout ça, c'est pas donné à la bourse de tout le monde. Quelqu'un qui est au CPS et tout ça, il sait pas spécialement bien manger. Mais alors... Jusque-là, je comprends, et après, tu disais... Mais alors, les gens du CPS, bon, mais comme ils savent pas se payer là, ils vont aller d'office dans les grands magasins, dans les Aldi, dans les Lidl et tout ça, là où il y a toutes les grosses saloperies. Mais voilà, parce que son salaire ne le permet. Mais comme il y a déjà maintenant, et en plus avec le Covid encore pire, il y a de plus en plus de chômeurs et tout ce qui s'ensuit, les gens vont de nouveau être plus orientés vers ces grands magasins-là qui vendent de la saloperie, qui nourrissent les multinationales et qui... Oui, parce que c'est pas cher, quoi. Parce que c'est pas cher. Et il faut bien manger. Même si on doit manger de la merde, il faut bien manger. Et voilà, donc moi je trouve que le commerçant qui fait du légume ou de la viande en vrac dans son commerce, le plus intelligent, ce serait celui qui resterait à des prix. Déjà, il gagnerait quand même pas mal de clients à des prix abordables pour tout le monde. Mais pas spécialement à des prix de grands magasins, mais pas à des prix... voilà, moi, je produis du vrac, donc je peux faire plus cher. C'est vrai que ces magasins-là sont fort taxés aussi. Mais tout le monde est taxé de la même chose, mais il y en a qui gagnent plus que d'autres. Mais ça, c'est, voilà, ça, j'y connais rien là-dedans. Mais celui qui arrive à faire des légumes, des viandes, n'importe quoi, et encore de la viande, quand tu... de la façon dont on abat nos viandes chez nous, c'est une pollution en plus sur la planète. Voilà. Mais de la façon dont on produit nos légumes et qu'on produit tout ce qu'on a pour manger, mais celui qui arrive à faire ça à un prix au niveau, ou bien même mieux, en fonction du salaire des gens, mais c'est celui qui fera fortune, hein. Bien sûr. Et c'est quoi le détritus ? On va bientôt terminer. C'est quoi le déchet que tu retrouves le plus souvent, quoi ? Pour le moment, c'est les masques. Pour le moment, c'est les masques. Sinon, c'est la frigolite. Mais la frigolite, il y a une explication par rapport à ça. Ouais, Oui, parce que par rapport à la frigolite... C'est pas parce que les gens achètent en envoi, en courrier, non? Non, ça n'a rien à voir. Ouais, y a ça aussi, mais ça, c'est très minime. Il y a juste que nous, on a des lois qui ne sont pas les mêmes qu'en Flandre. En Flandre, tous les chantiers sont obligés d'être sécurisés, surtout au bord des eaux et au bord des champs et tout ça. En Belgique, pas. Vous voulez dire les chantiers de construction? Les chantiers de construction et tout ça. Tout ça, en Wallonie, il n'y a aucune règle là-dessus. Et un morceau de frigolite d'un chantier qui a lieu à 3 km, avec le vent, peut très facilement se retrouver dans n'importe quel champ de vaches ou dans n'importe quelle eau. Et il n'y a aucune protection. Temps en temps, on voit un chantier, mais c'est très rare. Sinon, il n'y a aucune protection sur les chantiers, y compris les chantiers où on fait les routes et tout ça. Donc ça, c'est la région wallonne. Hein. Donc, même la région wallonne, eux qui devraient montrer l'exemple, même la région wallonne, quand ils font des travaux quelque part, les frigolites, elles sont à l'air, hein, et ça s'envole et on s'en fout, quoi. Que ça soit la région wallonne, les chantiers. Moi, je trouve qu'on devrait faire à ce niveau-là. Moi, je vais vite dire ça, parce que c'est un truc que j'ai déjà dit à plein de trucs. Je trouve... La frigolite, je ramasse ça excessivement, hein, beaucoup. Hein. Et je trouve qu'on devrait faire une loi que, par exemple, je fais construire ma maison, parce que c'est pas rare, les ouvriers, même, il n'y a pas que les trucs qui s'envolent. Des fois, quand ils ont fini de construire, ils remblayent tout, mais alors les plastiques, ils enterrent tout dans la terre et tout ça. Moi, je dis, je fais construire ma maison. Si les ouvriers ont été sales, ont enterré leurs déchets dans ma terre, je ne paye pas la facture. On devrait faire une loi en fonction, par rapport à ça. Là, tout le monde devient, on commencera à réfléchir à des lois pour devenir propre. Ah ben c'est sûr, ça. Et ici, à Namur, il y a un gros chantier déjà depuis plusieurs mois. Hein. C'est peut-être ça, la frigolite qui vole. Je ne sais pas. Mais d'où elle vient, cette frigolite? Non, il y a beaucoup de maisons qui sont en construction partout. Et il y a beaucoup de maisons en construction partout. Encore tout à l'heure, ici à la plante, au bout de l'avenue de la Pérelle, là-bas, il y a des gens qui étaient en train de souffler de la poussière dans tous les sens. Mais c'est clair que le chantier du Grognon est une grosse source de pollution. Et pour citer un exemple, mais ça c'est ma parole contre celle de la ville parce qu'ils préfèrent comme ça. Moi avant, j'avais qu'un seul kayak, je nettoyais les déchets sur la Sambre 3-4 fois par an. Il n'y a que depuis un mois que j'ai mes kayaks, que j'ai décidé que je vais faire une semaine de ce côté-là, une semaine de ce côté-ci. Enfin, 3 jours de ce côté-ci et 4 jours de l'autre. Mais il y a un an de ça, un peu plus, même plus qu'un an, maintenant un an et demi, j'avais signalé à la ville qu'il y avait un câble électrique du chantier du Grognon qui touchait l'eau et ça faisait des étincelles. Je l'avais signalé. Il y a maintenant un an à peu près, il y a un jeune qui est mort. On n'a jamais su pourquoi. Mais non, arrête. Quoi, dans cette zone-là? Et dans cette zone-là. On n'a jamais su pourquoi. Et apparemment, il n'y a jamais eu d'enquête approfondie par rapport à ça. Et moi, quand j'ai essayé de revenir sur le truc que j'ai dit, que j'ai déjà vu un filet, on en a entendu parler nulle part de ce que j'ai dit. Nulle part. Mais où voudrais-tu en avoir entendu parler? Mais déjà, j'en ai parlé à des politiques et tout ça, donc... Pourquoi t'es en contact avec des politiques régulièrement? Je connais quasi tous les politiques. Ils me disent tous, c'est bien ce que tu fais. Voilà. Maintenant, c'est vrai que... Depuis cette histoire-là qu'il y a eu l'année dernière où je suis sorti de l'eau, Maxime Prévost me suit de plus près. Il m'envoie régulièrement des messages en message privé sur Facebook. Que c'est bien ce que je fais et tout ça. Pourquoi tu trouves que eux, c'est bien ce qu'ils font en ce moment? Leur politique menée, etc. Je ne veux pas... J'aime pas la politique, hein, mais en même temps... On est dedans sans... J'aime pas la politique, mais je voterai toujours, parce que ne pas voter, c'est se retrouver avec des crapules. Mais maintenant, le problème, c'est que... tu crois qu'on n'a pas des crapules en ce moment, même en votant? Oui, mais de toute façon, on n'a pas le choix de voter pour... Mais parce que le problème, c'est que... Ces gens-là de gauche, de droite et tout ça, à force de faire les cons, ils sont en train d'attirer, mais ils s'en foutent, ils ont leur portefeuille, c'est ça qu'ils ont peur, c'est qu'ils aient un euro en moins dans leur portefeuille, mais ils sont en train d'attirer, ça c'est dangereux, les partis d'extrême, que ça soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, et ça c'est dangereux, si demain on est gouverné par ça, moi je préfère voter pour des gros connards qui... Non, mais non. C'est merde que de voter pour des partis extrémistes. Ouais, c'est les mêmes, hein, quelque part. C'est les mêmes, quoi. Enfin, bon, là, on aborde un autre sujet. Ouais. Moi, j'ai été en Russie dans les années 70, parce que j'ai beaucoup voyagé, qu'à l'époque, j'avais une tante qui travaillait à l'ambassade de Belgique en Russie, à Moscou. Et donc, j'étais un des privilégiés qui pouvait aller dans ces pays-là, mais c'était à 100% communiste. Moi, je souhaite cette vie-là. Personne, moi, la vie d'un communiste. On est peut-être... C'était pas du vrai communisme. C'était de la pourriture de communisme. Non, c'était pas du vrai communisme dont parlaient Marx et Engels. Hein. Faut savoir, ça, c'était pas... Tout est mélangé, quoi, mais bon. Maintenant... Je préfère voter pour des pourritures, que ce soit pour n'importe quel parti. Je préfère voter pour des pourritures qui nous laissent notre liberté. Bien que de la liberté, on n'en a plus tellement depuis qu'il y a le Covid. Là, ils ont bien montré que l'Europe était une grosse dictature. Hein, ils nous ont bien supprimé. L'Europe n'existe pas, il y a des frontières partout. Voilà. Mais je préfère voter pour des gens qui nous font croire à une certaine liberté que de voter pour des gens qui nous la suppriment complètement. C'est incroyable, cette phrase. Incroyable. Tu préfères qu'on te donne l'illusion, en votant pour des connards qui vont te donner l'illusion de la liberté, plutôt que d'autres connards qui vont t'empêcher cette liberté. Ça, c'est un gros... C'est une phrase compliquée. Ça ne débat que la pollution. Mais ça en fait partie, quelque ouais, part, tu vois, parce que changer les règles d'une production dégueulasse, c'est pas gagné, hein, et ça crée des problèmes. Hein. Il y a des journalistes qui ont des problèmes parce qu'ils dénoncent les choses de grosses industries qui font des déchets. Je peux te dire quelque chose. Bah, évidemment. T'as des beaux yeux. Ben oui, merci, toi aussi. Bon, ben les mots de la fin, c'est ça, mais j'avoue que la phrase, c'est incroyable, ça, je préfère. Tu dis quelque chose d'énorme, et en plus, je pense que monsieur, madame, tout le monde, en tout cas ceux qui écoutent là, c'est dingue ce que tu as dit, quoi. Ouais, c'est... Merci. Merci, en tout cas. Je suis bien sur l'eau, j'ai beaucoup de liberté. Moi, j'étais... Mais... Voilà, tu m'as jamais vu sur l'eau, mais les oies et les canards, ils m'ont déjà vu sur l'eau. Et je vais près des oies et tout ça, elles viennent près de moi comme si elles me connaissaient depuis toujours. C'est génial. Parce que le ramassage de déchets, c'est aussi d'être en contact avec la nature. C'est merveilleux, la nature. Hein. Il y a encore un an de ça, il y avait un rat qui venait régulièrement près de moi et tout. Maintenant, je ne le vois plus, mais sur l'île Vastifrot ici. Là, pour le moment, j'ai des oies blanches et des bernaches qui, partout, elles me voient. Dès qu'elles me voient, elles me suivent. Et il n'y a pas besoin de donner un morceau de pain que pour que les oies nous suivent. Hein. Et voilà, qui est le pain, les petites mamies, elles donnent du pain moisi et tout ça, que même nous, on ne le mangerait pas. Donc, c'est normal qu'on dise que le pain, ça tue les canards si on donne du pain moisi. Voilà. Maintenant, depuis que je suis né... J'ai toujours connu des gens qui donnaient à manger, qui donnaient du pain aux canards et aux oies. J'en ai jamais vu qui mouraient à cause de ça. C'est aussi des histoires politiques de dire que c'est les oies, que les oies meurent avec le morceau de pain. Ouais, c'est peut-être qu'il y a plus de gens qui le font. Quoi. À l'époque, il y en avait quelques-uns. Maintenant, avec le tourisme, tu vois, de masse, il y a peut-être vraiment un souci. Sinon, ce serait quoi ? Il y a plein de gens qui donnent à manger. Il y en a même de plus en plus qui donnent à manger des pains et tout ça aux canards et aux oies. J'ai jamais vu un canard, j'ai jamais vu une oie qui était morte à cause d'un morceau de pain. Alors ce serait pourquoi alors ? C'est juste que si demain par exemple on arrêterait de donner à manger, moi selon moi, hein, si demain on arrêterait de donner à manger aux oies, aux canards et à tous ces animaux qui font du bruit. Enquête ici, on enquête. Hein. Ouais, moi selon moi, ces oiseaux, comme ils devraient... C'est clair qu'on leur a fait perdre leur autonomie de chasser elles-mêmes et tout ça. Mais si elles devaient chasser elles-mêmes, elles ne seraient plus près de nous, près des maisons. Elles partiraient de là où il y a des champs et tout ce qui s'ensuit. Ce qui fait que certains bourgeois ils seraient bien contents parce que ça ferait moins de bruit. Tu crois que c'est ça ? J'en suis persuadé. Le nombre de gens qui me disent, le nombre de petits vieux dans les buildings qui me disent des buildings. Et ici, les buildings, en dessous de 2 000 euros par mois, il n'y a pas. Hein. Et le nombre de petits vieux qui viennent me dire il faudrait tuer les oies parce qu'elles font du bruit, mais nom de Dieu, les oies, elles étaient là avant eux. Hein. Moi, je crois que l'être humain, il se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas. Il veut toujours réguler tout. Il veut réguler les arbres, il veut réguler les bêtes et tout ça. Il veut réguler la forêt amazonienne alors qu'il ferait bien de replanter chez lui. Mais on ne parle jamais de réguler les êtres humains, alors que là, il serait grand temps de le faire. Bon, merci Marc Ayac.